J'essaie de comprendre, j'essaie de trouver où j'ai mal agi, où j'ai pu manquer. Pourtant je t'ai aimé comme on aime qu'une fois. Je t'ai gâté comme pas une avant toi. Le jardin de rêve que j'avais pour toi, tu l'as refusé. Je ne comprends pas pourquoi. Descendre mon nom de néon, oublier la gloire qui s'offrait devant moi. J'ai toujours dit oui à toutes tes conditions. Comment comprends que tu ne veux plus de moi? Le jardin de rêve que j'avais pour toi, tu l'as refusé. Je ne pour nous deux, seul sur la route, je revois ton visage. Je ne peux pas croire que je suis malheureux à cause de toi, que je ne peux oublier. Le jardin de rêve que j'avais.